meilleurs endroits. Un petit singe gris dont tu ne veux pas. Dans les moments si calmes, blotti contre moi. Que tu sembles si simple, mais que tu n'oublies pas.